Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport complet de l'édition du 26 août. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional d'abord avec des matchs en concours. On sait que le hockey mineur, ça débute bientôt. Et on est déjà dans les inscriptions dans la plupart des camps également. Il y a des matchs en concours qui sont commencés. Les Aigles de Roberval, en fin de semaine, ont commencé les matchs. D'abord, au niveau Benjamin, victoire de 4-0 sur Allemand. Au niveau Cadet, victoire de 2-1 sur Allemand. Et au niveau Benjamin, Arvida, du niveau du Bantam 2B, gain de Arvida, 5-3 sur les Aigles de Roberval. Et au niveau juvénile, défaite des Aigles, 2-0 contre Arvida. Football, c'était également le début en fin de semaine des matchs pour les Cougars de Chicoutimi et les Cougars qui ont perdu 50-27 contre la formation de Victoriaville. L'instructeur Nick Menacci a mentionné au journal Le Quotidien qu'il était quand même content de ce premier match. Il manquait plusieurs joueurs qui étaient absents, 10 joueurs entre autres de la première année. Et puisqu'il y a question également de football, faites à noter que les mercenaires de Saint-Jean ont perdu 21-12 contre la formation, une formation de Montréal. Le sport local et régional à donradosport.com. On s'en occupe.